Voici, en une heure, un aperçu de Jacques le Fataliste et son maître, publié par Denis Diderot en 1773. Le récit que Jacques fait de ses amours à son maître est entrecoupé de nombreux autres récits. Le plus célèbre est celui de la liaison entre Madame la Pommeraye et Monsieur des Arcis. J'y consacrerai une deuxième séance. Choix des textes, résumé, enregistrement, Jean-Paul Alexis, septembre 2018.